Il était une fois une maman cochon qui s'appelait Prospérine. Elle vivait aux Antilles, dans une petite île où les animaux et les humains s'amusaient depuis longtemps ensemble. Oh, bien sûr, chacun prenait ses précautions. Tout le monde ne se promenait pas en même temps, ni sur les mêmes territoires, et chacun avait ses amis préférés. Dans cette île, on adorait se baigner et on se donnait rendez-vous sur les plages. Prospérine, lorsqu'elle venait se rafraîchir, y conduisait tous ses enfants. Elle leur apprenait à sauter dans les vagues, à se laisser porter dans l'eau, à jouer tous ensemble. C'était très réjouissant de voir ces petits cochons roses ou noirs avec des taches roses, chahuter en toute confiance autour de leur maman. Un jour, Katia, une petite fille qui la connaissait bien et l'aimait beaucoup, demanda à cette mère ce qu'étaient devenus les autres petits cochons, ceux qui étaient nés avant ceux qui étaient là en train de s'amuser dans l'eau. Prospérine sursauta. Puis, comme si elle avait bu la tasse, elle sortit vite des vagues, toussa abondamment, demanda qu'on lui donne un mouchoir et vint s'asseoir. D'abord, elle dit la fierté qu'elle éprouvait à se déplacer, à entendre et à voir la joyeuse bousculade de ses petits à ses côtés. Elle parla du plaisir de vivre. Mais justement, et les larmes commencèrent à couler vraiment très fort, elle expliqua son chagrin et un affreux secret. Hélas, ses enfants, à partir d'un certain âge, étaient kidnappés. Un jour, il y en avait un ou une qui n'était plus là. Et depuis qu'elle était maman, ses disparitions ne s'étaient jamais arrêtées. Kidnappée ? Tu es sûre de ce que tu dis, mais c'est affreux. On doit pouvoir faire quelque chose, dit Katia. Les plus grands de tes petits sont forcément quelque part. Moi, je les ai cherchés partout, dit Prospérine. Quelqu'un me les enlève, j'en suis certaine. Et pourquoi faire ? Ses amis autour d'elle se mirent à réfléchir. Sur la plage, ce jour-là, il faisait si beau, l'air était si parfumé, qu'aucune idée ne vint à l'esprit de personne. Pourtant, tous voulaient sincèrement aider maman Prospérine. Mais quelquefois, dans le confort, on ne trouve pas facilement des idées. C'est un jour de pluie et d'orage et de très mauvais vent que Donatienne, qui était la cousine de Katia, se souvint d'avoir entendu, un jour, une histoire de petit cochon attaché qui lui avait fait très peur. Et elle se dit que le mieux était d'essayer d'en savoir davantage. Elle en parla à une de ses grand-mères, qui, émue par cette histoire, lui conseilla de s'approcher de la maison d'une très vieille femme, un peu sorcière, qui vivait tout au fond des bois. Elle lui dit d'être prudente et pour l'aider, lui donna les vieux ciseaux qui avaient appartenu à sa maman. Ces ciseaux sont magiques, mais rappelle-toi bien de toujours leur dire merci. Sinon... Sinon quoi ? Demanda Donatienne. Sinon, ce que tu auras coupé reviendra se coller n'importe où. Donatienne remercia sa grand-mère. Et n'écoutant que son courage, elle disparut dans la forêt tropicale. Dans une toute petite allée, au milieu des lianes, elle trouva son cousin Bruno. Il était en train de réfléchir. Lui aussi voulait aider Prospérine. Lui aussi voulait retrouver ses enfants. Alors il écoutait tous les bruits de la forêt. Ils décidèrent de faire route ensemble. Et après quelques heures, dans un vallon sombre, ils aperçurent une cabane affreuse. Ils s'en approchèrent en faisant bien attention. Cette cabane était puante. Il y avait des os un peu partout par terre. Les enfants commençaient à trembler. Mais comme ils étaient courageux et qu'ils voulaient retrouver les grands-petits de Prospérine, ils frappèrent tout de même à la porte. Une voix leur répondit « Qu'est-ce que tu veux, jolie fille ? Qu'est-ce que tu veux, garçon dodu ? Madame, Il paraît que tu pourrais nous aider à retrouver les grands petits cochons qui ont été kidnappés. C'est vrai ? Oui, oui, je pourrais vous aider. Je pourrais être gentille. Mais je n'en ai pas envie, alors je vous conseille de déquerpir avant que je m'énerve. En disant cela, elle sortit sa tête horrible par la fenêtre. Donatienne et Bruno virent tous ses cheveux dressés sur sa tête, exactement comme les lanières d'un fouet. C'était terrifiant. Ils prirent leurs jambes à leur cou. Pendant leur course, autour d'eux, les plantes bougeaient et les arbres remuaient leurs branches comme pour leur dire « Allez plus loin chercher les petits de Prospérine. Ils sont par là. Ils sont par là. » Progressivement, le vent s'apaisa. Les deux enfants marchèrent encore et bientôt, sous les arbres, ils trouvèrent trois petits cochons effrayés, attachés avec de la très grosse ficelle de cuisine. Aussitôt, Donatienne et son amie s'approchèrent d'eux qui gémissaient. « Venez nous délivrer, on voudrait retrouver maman. Pitié !» Mais ce que les enfants ne savaient pas, c'était que la vieille sorcière les avait suivis. Ses cheveux en bataille faisaient déjà beaucoup de bruit. Les petits cochons, eux, l'avaient bien entendu. Et ils tremblaient de tout leur corps en regardant Bruno et Donatienne. Mais déjà la sorcière était là. « Ah ah ! Eh bien quoi ? Eh bien quoi ? Je les engraisse pour en faire de la bonne soupe. Toi aussi, petite, tu es appétissante. Tu es peut-être bonne à manger. Tes bras sont bien ronds. Et toi, le bon garçon, avec toi, je ferai de la chair à pâté. » La petite fille faillit s'évanouir, mais heureusement, elle se souvint des ciseaux magiques. Elle les sortit de sa poche et, grâce à eux, les trois petits cochons partirent en courant, rejoindre leur maman, en criant « Merci, merci, merci !» Cette délivrance avait mis la sorcière très en colère. Son nez s'était mis à fumer. Elle hurlait. Elle se mit à courir derrière Bruno et Donatienne. Ses cheveux claquaient dans tous les sens. « Je veux vous manger, je veux vous manger tous, je vais vous attacher pour vous engraisser, je le veux, je le veux !» Ses grandes jambes maigres faisaient des bonds, quand tout à coup, ses cheveux, ses horribles cheveux, se prirent dans les broussailles et l'empêchèrent d'avancer. Elle poussa des cris de douleur, montrant son horrible visage violet de rage. Elle ordonna « Revenez, espèce de nigaud, délivrez-moi !»« Tu nous fais peur, on préfère s'en aller !» disaient les enfants. « Revenez !»« On ne peut rien pour une sorcière !» dit Bruno. « Prenez les ciseaux, c'est un ordre !»« Mais, répondit Donatienne, ces ciseaux sont magiques !»« Justement, dépêche-toi, je suis coincée !» « Sorcière, ces ciseaux, s'ils te délivrent, seras-tu d'accord pour leur dire merci ?»« Dépêche-toi, une sorcière ne dit jamais merci. Détache-moi tout de suite. » Si tu ne dis pas merci, les cheveux que les ciseaux auront coupés, ces cheveux-là, eh bien, ils reviendront se coller n'importe où. « Des âneries, tout ça, dépêche-toi. Aïe, aïe, ça tire !» « Je ne veux pas dire merci, non, je ne pourrai plus être une sorcière sinon. Et qu'est-ce que diront mes copines sorcières ? Mais si vous me délivrez, si je fais quelque chose d'un peu moins méchant, est-ce que ce sera un seul de mes cheveux qui reviendra sur ma soupe ? Car voyez-vous, j'organise des dîners de sorcières, alors s'il y a un cheveu dans mon bol de soupe, je comprendrai le signal et j'essaierai de me calmer. Mais j'ai bien dit, j'essaierai seulement, hein ? Alors délivrez-moi, bon sang ! » Donatienne réfléchit avec Bruno et lui aussi pensait qu'il fallait lui laisser une chance de se rattraper. Alors ils la libérèrent des broussailles. Elle partit sans dire merci, en courant pour rejoindre sa maison affreuse et puante. Depuis ce jour, on ne l'a plus jamais revue. Et dans cette magnifique petite île, elle ne vient plus voler les enfants de Prospérine pour les engraisser en les attachant sous les arbres. Certains pensent même que cette sorcière est peut-être vraiment devenue un peu gentille. Depuis cette histoire, quand on dit qu'il y a un cheveu sur la soupe, ça veut dire qu'il y a un problème, que quelqu'un a eu une mauvaise idée ou que quelqu'un n'est pas en état de dire merci et qu'il faut réfléchir pour trouver comment lui porter secours, car c'est vrai. Tout le monde a le droit de se baigner gentiment